Cours Legendre accompagne la scolarité de votre enfant à domicile et en visioconférence avec nos cours particuliers par des professeurs de l'éducation nationale, nos stages intensifs de révision et nos classes préparatoires aux écoles de commerce. Retrouvez-nous sur cours-legendre.fr. Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan M. Béchour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. La nuit des dictionnaires. Que faire lorsqu'une nuit s'annonce étrangement longue? Étrangement tout simplement parce qu'entre minuit et 7h du matin, 8h vont en fait s'écouler puisque nous passons à l'horaire d'hiver. Alors que faire? On peut commencer la lecture d'un bon roman, mais on risque d'en terminer cette lecture avant le lever du jour, ce qui serait dommage. Alors finalement, l'activité intellectuelle la plus infinie, la lecture à laquelle on mêle le moins de bornes, c'est celle des dictionnaires. Puisqu'on vagabonde, on navigue d'une page à l'autre, d'un mot, d'un nom propre à l'autre, d'une citation à une étymologie, d'une curiosité à une autre. On peut se perdre, on aime se perdre, on comprend, et puis on ne comprend plus. Plus on lit et plus on est censé être savant, mais ce n'est pas si simple. Alors, cette semaine, le 23 octobre précisément, Pierre Larousse a fêté ses 200 ans. D'où cette nuit, la nuit des dictionnaires, autour de plusieurs livres. Il y a d'abord l'édition du bicentenaire pour le Petit Larousse illustré, 2018. C'est un livre aussi signé Jérôme Robert qui va nous rassembler. Jérôme Robert, le petit-fils de Paul, intitulé Paul Robert, l'aventure du dictionnaire Robert, publié aux éditions du Palio. Autre dictionnaire à l'honneur cette nuit, des dictionnaires qui ne sont pas signés de lexicographes, mais d'amateurs ou d'amoureux d'un pays. Il y aura l'Irlande, et c'est Alain Pozzuoli qui signe un dictionnaire insolite de l'Irlande chez Cosmopol. Et aussi Gilbert Lapouge qui va publier chez Plon son dictionnaire amoureux du Brésil. Bref, nous allons passer cette longue nuit de passage à l'horaire d'hiver en compagnie des meilleurs amis des lectrices et des lecteurs, donc les dictionnaires. Bonsoir Sylvie Andreux et bonsoir Jean Pruvot. Bonsoir Philippe Garbi. Alors nous n'aurons pas assez de toute une nuit pour célébrer les dictionnaires malgré l'écoute attentive des archives suivantes. Je vous donne le programme. Belle lettre de l'utilité des dictionnaires. Une émission que Robert Mallet proposait en 1956. Autour de lui Georges Duhamel, André Terrive, Jean-Jacques Pauvert, Maurice de Puymaire. On écoutera aussi un tire-ta-langue consacré par Olivier Germain-Thomas à l'argot. Puis un autre tire-ta-langue que Simone Dweck avait consacré au vieux Gaffiot, le bon vieux Gaffiot. Mais il y avait aussi une nouvelle édition du Gaffiot. Puis un lieu de mémoire entièrement consacré au Petit Larousse par la même Simone Dweck. On écoutera aussi un dialogue animé par Roger Pillaudin et autour de lui en 1976, Paul Robert et Bernard Potier. Ce dialogue avait pour titre « Faut-il brûler les dictionnaires ?» Et puis en intermède, ô combien instructif, quelques délirantes propositions de dictionnaires différents de tous les autres. C'était les Décraqués de Bertrand Jérôme et François Stressart qui avaient réuni Henri Cueco, Serge Joncourt, Gilbert Lascaux, Patrice Minet, Guy Konopnicki, qui s'étaient collés à cet exercice délicat et audacieux. Je crois que ce coller à est d'un emploi familier. En tout cas, il me semble que les dictionnaires le disent. Bon, audacieux. Audacieuse, vous l'avez été, Sylvie Andreux, puisque vous n'avez pas hésité à déclarer publiquement votre amour à Pierre Larousse. Alors, vous êtes accompagné cette nuit, il est vrai, d'un autre amoureux de Pierre Larousse, Jean Pruvot. D'où ce cher Pierre Larousse, 26 lettres à Pierre Larousse, Bernard Chauveau. Édition. Alors, alors 26 lettres, parce que 26 lettres de l'alphabet. J'avais compris, Sylvie Andreux. Bien. Et en les lisant, en tout cas, c'est 26 lettres écrites, non pas manuscrites, mais en tout cas écrites par des écrivains et adressées à différentes époques, en fait, à Pierre Larousse, aujourd'hui, mais à différentes époques, en tout cas celle de Jean Pruvot. On comprend que finalement, le Larousse et d'autres dictionnaires, mais le Larousse, puisque nous commençons par lui, c'est bien autre chose, Sylvie Andreux, qu'un volume sur un rayonnage d'une bibliothèque. D'une bibliothèque familiale. Alors vous dites 26 écrivains, mais il n'y a pas seulement des écrivains. Il y a aussi des photographes, il y a des plasticiens, il y a des collégiens. Et c'est vrai que ma fierté dans ce livre, qui est sorti, bon, qui marque les célébrations du bicentenaire de Larousse, c'est d'avoir pu réunir les collégiennes Toussy, qui est donc ce village natal de Pierre Larousse dans l'Yonne, collégiens de 4e C qui ont écrit une lettre à Larousse, et qui d'ailleurs, lettre qui lui a valu d'ouvrir l'édition 2018 du Petit Larousse. Donc c'est une fierté. Oui, un encadré en violet, très, voilà, très lisible. Donc c'est une fierté énorme à la fois pour les enfants, pour leurs professeurs, pour l'éditeur et moi-même. Donc on est entré dans le Larousse par la petite porte, mais la première page. Alors c'est vrai qu'il y a, je vais vous dire Philippe, moi je savais que j'allais m'attaquer à un géant, parce que Larousse est un homme célèbre qui est à la fois un nom commun et un nom propre. Mais je ne me doutais pas que... Qu'il était aimé à ce point ? Voilà, je ne m'en doutais pas. Je doutais plutôt que les écrivains, les poètes, le libraire, les artistes, les historiens, les collégiens, les linguistes et les académiciens, quelle que soit la latitude sous laquelle ils étaient nés, avaient avec le français une relation passionnée, on peut dire passionnelle, et qu'ils avaient signé avec notre langue, le français, un passeport, et qu'ils la considéraient comme un trésor dont Larousse était l'initiateur. Alors vous avez dit, Sylvain Dreux, qu'il n'y avait pas que des écrivains. J'étais bluffée quand même par oui. ça. Ben nous aussi, en lisant et en se dit, tiens, pourquoi finalement, moi, qu'est-ce que j'écrirais sur Larousse ? Si chacun se pose la question. Moi, pas grand-chose. Bah, vous avez quand même oui, une préface. Voilà. Une préface. Enfin, je veux dire, je n'aurais pas la vérité, la sensibilité, l'authenticité des contributeurs du livre. Je ne suis pas sûre qu'il y ait eu des Larousse chez moi quand j'étais enfant. Ah. J'avais une sœur aînée et un père qui répondaient à toutes nos questions, donc ils nous servaient de dictionnaire. Ah bah quand une famille et maman ne faisait pas de la Mirandole en... Et maman ne faisait pas de mots croisés, donc si vous voulez, le Larousse était... Enfin, il y en avait, mais sans plus. Tandis que là, je veux dire, c'est quand même... ça a été pour tous ces gens une clé qui leur a ouvert les portes de la France, de l'ascension sociale, de l'amour d'une langue, de l'apprentissage, et puis ils font référence en permanence au grand-père, au père, enfin je veux dire, c'est une histoire de famille, c'est un roman familial. Un roman familial, d'accord. Pour Gilles Barbier, qui est plasticien, lui, c'est un objet de névrose. C'est une névrose. Enfin, je ne suis pas médecin, mais c'est une obsession, on va dire. Oui, ça fait 23 ans, dit-il, que je copie le petit dictionnaire Larousse illustré de 1966. Oui, comment vous appelez ça ? J'appelle ça un truc. Oui, c'est une passion d'artiste. Mais d'ailleurs, en ça, il rejoint Larousse, parce que moi, je tiens à dire, je ne sais pas ce que Jean dira, mais Larousse était quelqu'un qui ne voulait que rien ni personne ne se mette au travers de sa route. C'est-à-dire qu'il a été à la fois pédagogue, lexicographe, éditeur, libraire, diffuseur, entrepreneur. Et c'est quelqu'un qui était obsessionnel, quoi. Je dirais un peu mégalomane. Oui, pour devenir lexicographe, il faut. Alors vous, Jean Pruvot, vous êtes. C'est le savant de l'affaire. C'est le savant de l'affaire. Oui, c'est lui qui sait. J'ai lu quelque part que vous aviez 10 000 dictionnaires. Ben oui, c'est une forme de folie. C'est en cela que je suis Larousien. Et alors évidemment, il y en a pas mal qui sont de la maison Larousse, de Pierre Larousse. Bon, je ne pensais pas en avoir 10 000, mais ce sont les journalistes qui le disaient en venant. Mais quand on déménage et qu'on porte les caisses, on en prend conscience. Mais c'est très important. Alors 10 000, c'est pas assez. Hein, il en faudrait encore 10 000. Bon, ça me permet quand même de radiographier une grande partie des siècles. C'est un début. Alors, c'est des dictionnaires français ? Alors, les dictionnaires français, monolingues, quelques-uns bilingues, mais à chaque fois avec le français. Bon, déjà, quand on prend le Petit Larousse depuis 1905, ça fait plus d'une centaine. Quand vous prenez le Robert, on en est déjà depuis 1967. Pour le Petit Robert. Pour le Petit Robert. Alors, il y a les gros, et puis il y a tous ceux du 19e. Et parfois, il y a ce petit ouvrage qu'on vendait sous l'occupation, dictionnaire de médecine, qui coûtait presque rien, qui faisait 40 pages, ou le dictionnaire qu'un coiffeur avait élaboré et qui donnait à ses clients. Donc tout ça, c'est un régal, c'est un voyage dans les mots, dans l'objet, dans l'histoire aussi. Oui, vous n'êtes pas que collectionneur, Jean Pruvot, vous êtes aussi l'auteur d'un livre chez Larousse, d'ailleurs, La Dent de Lion, La Semeuse et le Petit Larousse, et puis du Dico des dictionnaires, Histoires et anecdotes, ça c'est chez Lattès. Ça vous a pris à quel âge commence-t-on à être, non pas névrosé, comme prétendait oh. Sylvie Andreu, mais fou de dictionnaires. À quel âge a eu lieu la contamination? Oui. Bon, je pense que c'était déjà avec mes parents qui avaient très peu de dictionnaires, parce que c'est vraiment ma collection, mais qui s'intéressaient aux mots. Ils étaient professeurs de sténo et de dactylo. Ah oui. Donc la sténo, oui, c'est les mots qu'on entend. La dactylo, c'est les mots qu'on tape. Et l'orthographe était sûre à cette voilà. époque. Et ensuite, j'ai rencontré un grand professeur qui était Bernard Quémada, qui dirigeait le Trésor de la langue française. Et derrière, ben, s'est suivi une thèse et finalement une carrière. Mais je ne dirais pas une carrière, une passion tout entière pour cet objet, pour la langue française en général. Mais quel est le meilleur photographe ou le meilleur film de la langue française? C'est quand même en partie les dictionnaires, par strates successives. Vous avez lu déjà quelque part Jean Pruvot, Pierre Larousse avec deux R, parce qu'on lit oui. Sylvie Andreu parlait de l'orthographe, mais ça parfois on voit Larousse. Oui, oui, la faute d'orthographe est présente. D'ailleurs, Larousse était bourguignon. Hein. Il est probable qu'il roulait les R, un peu comme Colette, puisqu'il est né à quelques kilomètres de Saint-Sauveur. Et donc il devait peut-être dire Larousse, c'est possible. Alors, qu'avez-vous préféré finalement, petit garçon, Jean Pruvot, en feuilletant le Larousse? Parce qu'il y a les planches illustrées, les couvertures. Alors c'est sans doute la surprise que provoquaient les planches illustrées. Et puisqu'on parle d'orthographe, on peut aussi parler de genre, masculin ou féminin. Et quand vous prenez un petit Larousse que vous avez acheté très peu cher dans un vide-grenier, que vous consultez la planche des automobiles et que vous voyez automobile découvert, automobile couvert, d'un seul coup vous vous dites il y a peut-être une faute d'orthographe, c'est une automobile. Vous regardez la définition et en fait Larousse avait choisi un automobile. Bon, donc là, vous découvrez, ben, dans le fond, que le genre a été hésitant pendant un certain temps. Et ça veut temps. Dire quoi? C'était la vérité vraie? Ben, ça veut dire que c'était une voiture automobile. Donc, si vous voulez, quand on abrège, ça peut donner un automobile, un véhicule automobile. Oui, enfin, quand le nom commun est féminin, l'adjectif s'associe à au genre. Et voilà, oui, on dit aussi, une autoroute, on ne dit pas un autoroute. Oui, enfin, beaucoup, vous savez, disent un HLM au lieu d'une HLM. C'est non, mais qu'on fasse des fautes, on en fait tous. Oui, mais bien c'est sûr. Pas... Mais la norme ne se fixe pas tout de suite. Hein. On a dit une squelette avant de dire un squelette. Il y a beaucoup de mots comme ça qui ont changé. Donc, le dictionnaire est là pour témoigner d'une évolution. Je prends un exemple simple, énervé, qui, dans le fond, jusqu'au 19e encore, ne veut pas dire du tout excité. Mais quand Furtière dit en 1690 que les jeunes gens sont énervés par la débauche, c'est pas excité, c'est ils sont rendus mous, ils sont fatigués. Et en 1905, dans le Petit Larousse, on a encore marqué énervé, qui est mou, et par abus, abusivement, qui est excité. Donc, vous voyez, on voit l'évolution. Larousse a une formule que j'ai trouvée magnifique dans son premier dictionnaire en 1856, le nouveau dictionnaire de la langue française. Il dit que le lexicographe, donc l'auteur d'un dictionnaire, est un laquais qui suit son maître en étant ni trop loin ni trop près. Son maître étant la langue française. Vous avez aimé aussi, j'imagine, l'un et l'autre chez Pierre Larousse, le républicain, progressiste, pacifiste, anticonformiste. Oui, avec il y a une un nuance. Bémol chez Jean Pruvot. Oui, parce que moi, Larousse a été récupéré par tout le monde. Et par conséquent, évidemment, c'est une grande figure républicaine comme Littré. Ça a été un grand pédagogue. Buisson lui a rendu hommage. Mais on a oublié complètement qu'il a été aussi chrétien et qu'il était fasciné, par exemple, par Lamennais. Et donc, bon, comme il s'agissait quand il même... Il n'a pas épousé sa concubine. Hein non, mais d'une certaine manière, Larousse était quelqu'un de curieux, d'ouvert, avec des convictions. Il pouvait être à la fois chrétien et admirer Proudhon. Bon, c'est... Non, on pouvait être républicain et chrétien de toute manière. Oui, tout à fait. Oui, mais on a toujours présenté Larousse un peu comme une sorte de mangeur de la prêtrise. Bon, c'est peut-être un peu injuste. En tout cas, bon, on parle évidemment du Petit Larousse illustré 2018 qui est sorti avec en effet cette lettre de la classe de 4e de la cité scolaire Pierre Larousse. Oui, on est allé les voir. Oui, bah, il tutoie le Pierre. Hein, vous aussi d'ailleurs, Jean Prévost, vous lui écrivez la lettre qui est donc dans Cher Pierre Larousse, 26 lettres à Pierre Larousse, chez Bernard Chauveau Édition. Vous lui écrivez en quelle année? Parce qu'il est vivant encore quand vous lui pour écrivez. Pour moi, il est vivant puisque dans mon bureau. Sylvie peut en témoigner, il y a le buste de Larousse. J'ai une pièce entière qui est consacrée au dictionnaire Larousse. Il y en a une autre pour tous les petits Larousse. Et par conséquent, j'ai tous les matins, lorsque je m'occupe des mots, puisqu'à Radio France, je travaille sur les mots avec grand plaisir, moi, j'ai l'impression d'être à partir de 4h30 ou 5h du matin, un peu comme Larousse, une espèce de travailleur passionné, forgeant et reforgeant, examinant la langue et essayant de l'offrir. C'est ce qu'on fait hein, dans un dictionnaire. On offre la langue, on est très modeste. Mais en même temps, mine de rien, on est un peu créateur aussi. Philippe, je voulais vous dire que dans la lettre qu'il adresse à Larousse, il l'appelle Pierre Athanase. Oui, son prénom, bien sûr. Oui, il est le seul à le faire. Et Athanase, vous allez dans le Larousse, ça veut dire immortel. Voilà. Donc le Larousse est immortel. Ben, sans doute. Oui. Il aurait pu être à l'Académie française, être un immortel, mais il l'est en devenant lui-même, par son patronyme, eh bien, synonyme de dictionnaire. Alors, Athanase, c'est l'immortalité. Antonomase, c'est ben, c'est le fait de prendre un nom pour définir une qualité. Donc si je dis à quelqu'un qu'il est un Larousse, ça veut dire qu'il est quand même très travailleur et qu'il sait beaucoup de choses. Alors justement, si on devient un nom commun, est-ce qu'on perd pas sa majuscule? Alors on pourrait, on pourrait, un Larousse, mais cela dit, c'est pas la voiture, tradition. Une voiture, on n'écrit pas avec majuscule. Et vous l'écrivez avec une majuscule. Oui, parce que quand on ne dit pas encore dans le quotidien, c'est un Larousse. Quand on dit un Larousse, c'est synonyme de dictionnaire, mais de dictionnaire Larousse. Donc je garde la majuscule, oui. Oui, d'autant que la un nuit peu comme on dit un littré, bon. Bien sûr, un Robert, voilà. La nuit étant pluriel pour ce qui est des dictionnaires, on va pas dire que c'est ça, Larousse, ouais, c'est le ça. Dictionnaire. C'est et un vous, dictionnaire. Vous savez qu'il y a la guerre des dictionnaires. Hein. Vous avez parlé de la nuit des dictionnaires, mais on pourrait parler de la guerre des dictionnaires. C'est-à-dire, mais ça se pratique entre éditeurs. Ben, entre... Oui, voilà. Ah c'est, oui. Qui paraît le premier, quels sont les nouveaux mots chez les uns, chez les autres. Enfin, non, c'est une guerre éditoriale et marchande très sévère. Très sévère. Oui, mais en même temps, on se connaît tous. Privo. Et on a du respect les uns pour les autres. Par cette fascination du langage et cette volonté farouche de le décrire le moins mal possible devant une langue qui est notre maîtresse. Alors l'Académie française est aussi notre plus ancien dictionnaire. Bon donc je trouve qu'il faut vraiment ne pas l'oublier. Elle a un très bon dictionnaire et chaque dictionnaire a sa spécialité. Donc parfois on me dit vous êtes laroussophile. Non, j'aime beaucoup Larousse parce que depuis 1856 il y a un dictionnaire chaque année et le petit Larousse a plus de 100 ans. Mais ce qu'il faut Robert... dire, Jean, c'est que Larousse n'a pas connu le petit Larousse. Non, alors Larousse, son ouvrage s'appelait Le Grand Dictionnaire universel du 19e siècle, et le tout premier en 1856, puisqu'il a commencé par le petit avant de faire le gros de 24 000 pages, s'appelait Le Nouveau Dictionnaire de la Langue Française. Avec une épigraphe, c'est-à-dire cette petite phrase en début, qui disait « Un dictionnaire sans exemple est un squelette ». Il l'avait repris d'ailleurs à Voltaire, qui disait « Un dictionnaire sans citation est un squelette ». Et à l'époque, on comprenait cette allusion. Aujourd'hui, on a oublié un peu ce qu'avait dit aussi Voltaire. Bon, on a oublié beaucoup de choses, parce que vous citez dans « La dent de lion, la semeuse et le petit Larousse », Jean Prouvot, toutes les expressions, ah, évidemment, oui, du 19e siècle, on pourrait même en citer du 20e, qui ont disparu. Enfin, ça va de soi, il trôle partout ses enfants. T-R-O, accent. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il les promène. On pouvait dire aussi de quelqu'un, ce n'est qu'une mâchoire. Quand on parlait des vacheries, aujourd'hui... Un homme inepte. Voilà, c'était l'étable, en fait, la vacherie. Alors, il y en a énormément de mots comme ça. De temps en temps, Pierre Perret en reprend quelques-unes, hein, quand il dit que le bon Dieu me patafiole. Patafiolé, c'est-à-dire me bouscule, etc. Bon. C'est un charme fou, parce que ces dictionnaires, de la même manière que dans les brocantes, on retrouve la feuille de médicaments, la carte de la communion ou du mariage, on retrouve aussi, dans les pages, des mots qui ont disparu, des choses qui n'existent plus. Le mot pâtiron. Voilà, bon. Souffre-douleur. Oui, c'est ça. Bah, ça, on peut comprendre. On peut comprendre. Peut-être il a pâti de la médisance ou quelqu'un. Tout à fait. En tout cas, dans le cher Pierre Larousse, les 26 lettres à Pierre Larousse, il y a donc les contributions d'écrivains ou de plasticiens, voilà. Il y a Dany Laferrière. Mais il y a aussi des photos des couvertures des Larousse, enfin des tranches. Et ça, c'est vrai qu'en tout de suite, on est dans la nostalgie. Il y a une très belle photo, je crois que ça a été cette photo. Ça a été pris chez moi. Chez vous. Donc là, bon, il n'y a qu'une trentaine de dictionnaires. Le photographe Larousse a été un peu interpellé, mais finalement, il est resté hein, en contemplation avec ses dictionnaires. Hein. Il a demandé à être enfermé dans la bibliothèque de Jean. Il en est sorti une heure plus tard. Mmh. Est-ce qu'il y a des belles époques pour les couvertures de Larousse? Parce qu'elles sont beaucoup plus changeantes qu'on ne croit. On a l'impression que ça n'a pas bougé depuis 1905, mais non. Le merveilleux d'un dictionnaire, c'est qu'il est lié à la langue, bien sûr, au savoir, bien sûr, mais il est lié aussi aux technologies. Et par conséquent, on a d'abord des dictionnaires cartonnés. Alors le rose de ce Charles Larousse est absolument délicieux. On a bien compris que le rose, c'est la couleur des pages roses. Et il y avait d'ailleurs un ouvrage qui le plagiait. Lui, il avait mis des pages jaunes avec les scientifiques. Mais on a comme ça un moment où il y a toujours la même couverture, mais une jaquette qui change. Et puis vient le moment des palettes dans les supermarchés où il n'y a plus de couverture. Et sur la couverture, il n'y a plus de jaquette, pardon. Oui. Et sur la couverture cartonnée, eh bien, notamment sur la quatrième, on indique alors le nombre de mots, on essaie de vendre le mieux possible. Et c'est par palette à ce moment-là. Il faut un format un peu différent. Et on le voit quand on a une collection qui va du premier jusqu'au dernier. On voit les formats bouger. Puis il y avait aussi les dictionnaires sur papier Bible. Hein, il y avait des variables. Et là, vous êtes prêt à mettre 50 000 euros pour un dictionnaire d'une époque Fort heureusement, tous ceux qui coûteraient aussi cher, je les ai vraiment pas payés 50 000 euros. Ça fait 40 ans. Elle est assurée, votre collection? Je devrais pas dire à l'antenne qu'elle n'est pas assurée, mais... Faut-il brûler compliqué. Les dictionnaires? Quelle est la question que se pose? Oui, s'il y a peu de dictionnaires, je ferai de la guitare. Vous ferez de la guitare. Que Larousse détestait. Enfin, il trouvait d'ailleurs que c'est un instrument mollassant. Alors je lui rappelle en fin de parcours que cher Pierre Larousse, parce qu'effectivement, je le tutoie, dans le fond, parce que je me sens tous les jours larroussien, ou en tout cas du côté des dictionnaires. Et alors, il écrit que c'est un instrument flasque, sans consistance et qui joint à ses défauts un manque de caractère presque absolu. Alors tous nos auditeurs qui jouent de la guitare vont se sentir là déçus hein, par une pareille méconnaissance de l'instrument. Mais il faut bien avouer quand même que c'était au moment où le piano apparaissait et effectivement quand on joue de la guitare à côté d'un piano, bon il y a une différence de volume sonore énorme. La guitare électrique a changé beaucoup de choses. Il y a le grand dictionnaire universel du 19e, il y a eu le grand dictionnaire universel du 20e. Oui, alors est-ce qu'il y aura celui du 21e siècle? Ah bah oui, bien sûr, mais il sera sur CD-ROM. C'est là où il y a l'évolution que vous évoquez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a eu le petit 1856, 742 pages, le grand, 24 000 pages, puis après, des déclinaisons du grand, le nouveau Larousse illustré 1898-1904, puis le Larousse mensuel illustré, qui a poursuivi, puis il y a eu le Larousse du 20e, et bien sûr, il y aura le Larousse du 21e sous une forme informatisée, enfin numérique. Mais on commence déjà à l'écrire, vous savez, à le rédiger, ce grand Larousse. Il y a une forte concurrence qui existe sur Internet avec d'autres systèmes, mais ces maisons-là ont une validité, qu'il s'agisse de Robert ou de Larousse, il y a la validité des gens qui travaillent, des équipes, et de la même manière qu'à l'Académie, il y a une forte validité, l'Académie pense déjà à son dictionnaire numérique. Donc là, vraiment, ce cher Pierre Larousse, c'est toute une série de témoignages, des lettres magnifiques. Moi, j'y ai appris beaucoup, et dans un futur dictionnaire, des citations de dictionnaire, j'ai récupéré beaucoup de citations. On va pas citer les 26 contributeurs, mais enfin donc Gilles Barbier, on l'a dit, Tahar Ben Jelloun, Bernard Cerchiglini, la 4e C de la cité scolaire de Toussy, Jérôme Clément, Didier Deninx, Emmanuel Davidenkov, Antoinette Fouque, c'est un texte qui date absolument d'une dizaine d'années, je crois. Mm-hmm. C'est quand elle est entrée dans le Larousse. Voilà, Hubert Haddad, Jean-Noël Jeannonnet, Dany Laferrière, Cécile Adjali, Pascal Henry. Oui. Marc-Alexandre Obambé. Oh, il est formidable. C'est très beau, hein, ce texte. Il est formidable. Andreu, parlez-nous-en. Il ne suffit pas de dire c'est formidable. Ah oui, ça ne suffit pas. Parce que, je veux dire, c'est un dandy, c'est un poète, c'est quelqu'un qui a été ambassadeur du livre, qui le porte partout. Et c'est naturellement quelqu'un qui, dont la mère était, je crois, j'ai pas lu sa lettre avant de venir, était professeur de français, me semble-t-il. Et il rentre chez lui en Afrique et il range un grenier, il met un peu peu... voilà. Enfin, toujours les mâles d'osier qui... Oui. On se demande pourquoi les dictionnaires atterrissent dans des mâles d'osier, alors ils sont très bien sur les rayonnages. Ils tombent sur le Larousse et de son enfance, là il appelle son petit garçon, enfin voilà, tout ça est plein de... C'est pas larmoyant du tout, mais c'est... Et même Jeanne Bordeaux, qui dirige l'Institut de la qualité de l'expression pour oui, Jeanne, dans formidable. Les entreprises, elle m'a dit qu'il jouait de la guitare. Donc il est à moitié laroussien. Mais non, c'est vrai, ce sont des... Et c'est plus ambitieux qu'il n'y paraît, parce que c'est pas toujours... C'est intimidant quand même d'écrire un personnage iconique dont l'héritage en matière d'idées et d'art est reconnu de tous. Donc j'ai eu beaucoup de refus, hein, mais je m'en console. Mais c'est vrai que c'est pas simple en 3200 signes de dire l'essentiel de ce qu'on a à dire. Et c'est vrai que autour de Larousse, ça a ouvert pour chacun des vannes de la grande ou de la petite histoire. Enfin, c'était un résultat. Et Jean a raison de dire que c'est aussi un caractère biographique sur Larousse. Ça apprend des choses qui pour l'instant n'ont pas été écrites, parce qu'il faut dire une chose, il y a quand même très peu de livres sur Larousse. Bah, il y a eu le livre de Jean Pruvot quand même. Oui, non, mais bien sûr, en dehors de Jean. Il y a quand même eu très peu de livres sur Larousse, lui qui n'a vécu, je veux dire, dont la vie a été dévorée par l'amour des livres. Jean Pruvot, vraiment, Sylvie, c'est qu'il n'y a jamais assez de livres sur ceux, souvent dans l'anonymat, qui font les dictionnaires. C'est-à-dire Larousse, on oublie Pierre Larousse. Enfin, c'est pas Robert, un anonymat, Pierre Paul Larousse. Robert, voilà. Leur succès, c'est dans le fond de devenir des objets qui portent leur nom, comme le Boissière, comme le Littré. Mais bénéficier de leur vie, c'est merveilleux. Il faut aussi dire que Pierre Larousse nous facilite la chose. Parce que quand il écrit le grand dictionnaire universel, il ne nous tutoie pas, mais il s'adresse à son lecteur. Et il dit par exemple pour l'argot que pour mieux servir ses lecteurs, il est allé dans des endroits mal famés et que personne n'a reconnu l'auteur de ce dictionnaire avec une casquette sur la tête. Donc tout ça, il nous parle de son chien, moustache. Donc tout ça est délicieux et il y a une sorte de famille. Larousse a créé un sentiment familial et ce livre le rend bien, je trouve. Et puis aussi, c'est un homme, enfin non pas un homme politique, mais en tout cas en effet, on comprend ses idées politiques. Mm-hmm. Quand il parle de Bonaparte... Qui fait mourir. Oui. Il adore Bonaparte, mais évidemment, Napoléon, pour lui, n'existe pas. Oui, et donc la formule, c'est Bonaparte mort oui, c'est ça. C'est 1800, ça, au moment de l'assassinat du duc d'Anga. Puis après, il dit, il y a deux hommes en cet homme, et puis il développe quand même. Il n'est pas le seul à prendre des légèretés avec l'histoire. Non, et puis alors... Tout à l'heure, Sylvie a justement dit qu'il était en même temps l'imprimeur. Ah et, oui. Et on, pour les ceux qui bon sont des malades des Larousse-Lattre, on s'aperçoit que sur certains articles, il n'a pas le temps de finir parce que l'ouvrage était vendu par fascicule. Il y a eu plus de 500 fascicules et les gens le recevaient et étaient abonnés, dans le fond, à une partie du dictionnaire au fur et à mesure. Et à la fin, on pouvait tout imprimer. Et parfois, il y avait l'imprimeur qui disait « Oh Pierre, arrêtez, on n'a plus assez de place et on retrouve la suite ». Je crois que c'est pour Coran, on va retrouver la suite à Islam, par exemple. Parce qu'il avait beaucoup à dire. Et alors, quand on ne sait pas ce qu'a écrit Larousse, il a même écrit dans le supplément, il était mort, mais quand il avait des choses à dire, évidemment, le supplément se continue déjà. Même mort, si on a des choses à dire, on y arrive toujours. On peut toujours le faire. Vous avez remarqué, Sylvain André et Jean Pruvot, finalement, que, enfin, vous avez remarqué, pas, ça ne vient pas de cette nuit et d'aujourd'hui, mais que finalement, la conversation, qu'elle soit devant un micro ou entre amis, c'est un peu comme la lecture dans un dictionnaire. C'est-à-dire qu'on passe d'un mot à l'autre, on s'interrompt. Alors là, on peut être seul, alors on s'interrompt tout seul. Mais dans une conversation, on s'interrompt les uns les autres, c'est logique. Et la lecture d'un dictionnaire, c'est ça. C'est-à-dire que c'est cette navigation, ce vagabondage. C'est une jolie promenade. C'est une très jolie promenade, un peu au hasard. Les illustrations, évidemment, laroussiennes, y ont un grand rôle. Et je dirais que là, les lettres, bon, c'est rare de lire un dictionnaire de A à Z. Hein. On le consulte, et là, on l'ouvre, on tombe sur une lettre, on la lit. Et alors, comme il y a des jolies lettrines à chaque fois, les lettrines, c'est aussi une forme de lecture dans le Larousse, puisque c'est un rébus qui avait commencé au 19e siècle, on le trouve dans l'encyclopédie, dans les petites lettres de début. Mais souvent, d'ailleurs, dans le grand dictionnaire universel, il y a un objet, et j'ai déjà des gens qui m'ont écrit en me disant « On sait bien que ça commence par la lettre T, puisque c'est dans la lettre T, mais de quoi s'agit-il » Et alors là, il faut fouiller, et on finit C'est-à-dire dans leur mémoire, ils se souviennent d'un mot commençant par T, mais sans savoir de quoi il s'agit. Mais non, mais c'est-à-dire on le voit dessiné, on voit chose de dessiné sur la. Mais quand on est tout petit, on peut oublier la lettrine et commencer simplement à la suite, alors on se trompe. Oui, bien sûr. Les abécédaires, il y a un peu de l'abécédaire dans ces planches, alors que certains savants appellent iconophores, c'est-à-dire qu'ils portent des images. Mais en tout cas pour les enfants, c'est aussi le bonheur du petit Larousse, pas du grand Larousse, mais du petit Larousse, il est fait pour toutes les générations. Il est populaire. Oui, on y trouve le dessin de la chèvre, comme on y trouvera l'exposé sur l'ordinateur ou la radiographie de la dernière automobile. Les automobiles changeant. On va écouter tout à l'heure un tire-talent consacré au Gaffio et à la nouvelle édition du Gaffio, enfin à l'époque lorsqu'elle a été diffusée cette émission. Est-ce que les pages roses ont disparu à une époque dans le Petit Larousse, Jean Prévost ? Non, elles n'ont jamais disparu. Jamais disparu. Jamais. Mais quelqu'un se plaint, je ne sais où, j'ai lu ça, de la disparition des pages roses dans le Larousse. Non, elles n'ont pas disparu. Alors peut-être qu'il se trompe de Larousse, parce que quand on dit un Larousse, il y a le Petit Larousse, il y a le Larousse élémentaire. Alors je crois que dans le Larousse élémentaire, elles ont disparu un moment donné, mais elles y sont, elles ont été enrichies des locutions francophones. Ça a été ajouté, c'est une assez bonne idée. Et je pense que lorsqu'on achète en brocante des petits Larousse, il faut toujours vérifier que les pages roses s'y trouvent, parce que souvent elles ont été arrachées, ainsi que la planche sur les champignons. Mais elles sont bel et bien là, et on a tous commencé par ça. Primum vivari de inde philosophari, bon, vivare, on se retrouve. Timeo Danaos, etc. Oui, voilà. On savait pas le latin que déjà on connaissait. On était déjà fiers de parler en latin. Est-ce qu'il y a un côté érotique dans la lecture du Larousse, enfant, adolescent? Est-ce qu'on peut, je sais pas, feuilleter voir les illustrations et se dire, mon Dieu, que c'est un joli sujet, parce que Larousse se vend aussi au Québec. Et quand on a vendu le Larousse au Québec, à un moment donné, l'Église était très forte et n'appréciait pas les images de tableaux où il y avait trop de femmes nues. Bon, bah, évidemment, au XVIIe, XVIIIe, il y avait forcément quelques femmes bidons. Étaient nues. Et on a imposé, pour pouvoir le vendre au Québec, à Larousse, d'enlever un certain nombre de ces illustrations. Dans des gens, quand même, le Québec, c'est pas le Qatar. Ah, ben oui, mais enfin bon. C'est une autre époque. Pas d'excitation sexuelle dans le dictionnaire. Ça prouve donc qu'il y avait effectivement. Je parlais d'érotisme, je parlais pas d'excitation sexuelle tout de suite. Alors, Jean Prouvot, donc le Larousse, vous avez publié La Dent de Lion, La Semeuse et le Petit Larousse. Chez Larousse, il est épuisé, mais tout, ça se trouve malgré tout, sans doute. Et on voit aussi, alors évidemment, que Larousse, Pierre Athanase Larousse, eh bien, il est dans son époque. C'est-à-dire que s'il parle de l'Algérie, il a son avis sur la colonisation. Il écrivait par exemple dans son dictionnaire, les tribus marocaines sont fort turbulentes. Bon, donc ça manque pas de charme. Et puis dans le dico des dictionnaires là chez Lattès, j'ai comparé Larousse et Dumas. On les oublie, mais l'un a fait un dictionnaire de cuisine extraordinaire et Larousse rêvait de la cuisine. Sa maman était aubergiste et par conséquent, sa maman lui préparait des bons petits plats. Et donc entre Dumas et Larousse, il y avait une sympathie. Et les deux hommes ont vraiment à peu près la même boulimie. Donc ça manque pas de charme. Il y aura aussi, j'ai oublié de signaler dans la programmation de cette nuit spéciale, Nuit des dictionnaires, une émission de bouche à oreille, Alain Chiffre, dictionnaire d'un omnivore. C'est une émission de René Elkaïm Bollinger qui date de 2005. Donc il sera aussi question de dictionnaire de la cuisine dans cette nuit. Il y a une formule de Pierre Larousse, Jean Prouvot, sur les enfants laborieux. Il faut avoir été un enfant laborieux pour devenir un homme éclairé. Oui. Vous l'avez été, évidemment. Oh, je pense. Enfin, en même ricanement temps, de Sylvie Andreu. J'espère que j'étais comme Larousse, c'est-à-dire aussi un enfant sachant s'amuser dans les friches qui se trouvaient près de la maison de mes parents. Je pense que le fait que Larousse soit bourguignon, qu'il soit de la province comme Colette, c'est un tempérament vivant. Et on ne peut faire un superbe dictionnaire que c'est en y vivant. C'est pas un rat de bibliothèque qui fait un dictionnaire, c'est un homme, un rat des champs peut-être. Il voulait être négociant en vin, non? À un moment donné, il a rêvé de faire fortune avec le vin, et ses parents ne lui ont pas donné l'argent qui convenait. Tant on mieux. A eu beaucoup de chance. Pour nous. Cher Pierre Larousse, 26 lettres à Pierre Larousse, coordination Sylvie Andreu, Bernard Chauveau, édition. On rappelle aussi, Jean Prouvot, votre dico des dictionnaires, histoires et anecdotes publiées chez Jean-Claude Lattès, et puis La Dent de Lion, La Semeuse et le Petit Larousse, publié chez Larousse. Plus tard dans la nuit, nous rencontrerons Jérôme Robert, dont vous avez préfacé son livre consacré à son grand-père, Paul. Et puis, Alain Pozzuoli pour un dictionnaire consacré à l'Irlande. Et plus tard, Gilles Lapouche pour son dictionnaire consacré au Brésil, un dictionnaire amoureux, puisque tous les dictionnaires sont amoureux, mais il y a une formule éditoriale pour les dictionnaires amoureux. Et entre-temps, on va écouter toute cette nuit des dictionnaires, de nombreuses émissions, de nombreuses archives, dont Belles lettres de l'utilité des dictionnaires, émission de Robert Mallet, des décraqués pour un dictionnaire différent de tous les autres, un tire-ta-langue consacré par Olivier Germain-Thomas qui recevait François Caradec et Jacques Sellard consacré à l'argot en 1989, un autre tire-ta-langue Quoi de neuf chez Gaffiot présenté par Antoine Perrault, et c'est Simone Dweck qui avait réalisé ce reportage, un de bouche à oreille Alain Chiffre, dictionnaire d'un omnivore par René Elkaïm Bollinger, puis les décraqués à nouveau pour un dictionnaire différent de tous les autres. Bertrand Jérôme et François Stressart avaient réuni Cueco, Lascaux, Konopnicki, Minet en 1998. Un lieu de mémoire consacré intégralement au Petit Larousse par Simone Dweck. Puis on terminera par l'émission « Faut-il brûler les dictionnaires ?», une émission de Roger Biaudin qui réunissait Paul Robert et Bernard Potier en 1976. Et puis vous viendrez en toute fin de nuit nous redire quelques mots. Pensez à quelques mots comme ça qui sont dans le Larousse et que vous nous citerez l'un et l'autre tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Écoutez bien que je vous explique, c'est un petit jeu tout simple. Pour parler d'amour en musique, il suffit de savoir l'alphabet. A, prenez la musique. B, nissez l'occasion. C, un jeu magnifique. D, butez sans façon. Et...